5. Les amours de Merovig. Dans la confusion où la mort subite de Sigebert avait jeté son armée, la crainte de la défaite fut le sentiment général. La plupart des chefs ne pensèrent qu'à la retraite. Quelques-uns se dirent que Sigebert, ne laissant après lui qu'un enfant de 5 ans, il pouvait se considérer comme détaché de la couronne d'Austrasie, appelé dans un avenir prochain à faire retour à celle d'Hilpéric, et ils se retournèrent vers celui-ci. Ces défections décidèrent du sort de l'armée austrasienne qui se débanda. Brunehilde, réfugiée à Paris mais sans défenseur, s'attendait de jour en jour à voir apparaître Hilpéric. Elle avait près d'elle ses 2 filles et son fils, Hildebert. Son premier soin fut de soustraire l'héritier de Sigebert à l'ennemi, et comme sa mauvaise fortune l'entourait déjà d'espions, elle dut user de ruse. Elle plaça l'enfant dans un panier de provisions et le fit transporter pendant la nuit hors de Paris. Gondbald, maire du palais, le conduisit à Metz et le fit proclamer roi. À peine était-il parti que le roi de Soissons arriva à Paris. Brunehilde se trouva en présence de son plus cruel ennemi, sans autre protection que sa beauté et sa coquetterie féminine. Hilpéric, en toute autre circonstance, ne se fut pas montré insensible, mais il n'eut d'abord des yeux que pour les attraits de la cassette royale et des riches bagages qui l'accompagnaient. L'aîné de ses fils, au contraire, Merovig, fut vivement touché à la vue de cette femme si attrayante encore à 28 ans et si malheureuse. Et ses regards de compatissance et d'admiration n'échappèrent pas à Brunehilde. Elle employa tout ce qu'elle avait d'adresse pour flatter cette passion naissante qui devint bientôt l'amour le plus aveugle et le plus emporté. Hilpéric ne s'aperçut de rien. Il était bien trop occupé à faire peser les sacs d'or et à inventorier les bagages de la reine. La proie était riche au-delà de ses espérances. Elle doublait sa fortune et sa joie fut si grande qu'elle éteignit en lui toute velléité cruelle, tout caprice barbare. Il en devint meilleur pour sa prisonnière. Il eût pu la faire mettre à mort, il se contenta de la condamner à l'exil. On eût dit même qu'il la plaignit de la perte de tant de richesses, et il lui en laissa quelques débris, un sac d'or, quelques objets et quelques ballots d'étoffe. Mais, on n'a jamais su pourquoi, il la sépara de ses filles qu'il fit conduire à Meaux dans un couvent. Brunehilde se retira à Rouen, tandis que Hilpéric, traînant après lui le désolé Merovig, s'en retourna à Brenne. Dans ce séjour champêtre, Merovig s'ennuyait comme un amoureux séparé de sa bien-aimée et ne songeait qu'aux moyens de fuir et de rejoindre Brunehilde à Rouen. Mais, bien qu'héritier de la couronne, il était trop pauvre pour entreprendre un si long voyage, quand son père, qui ignorait sa passion, lui en fournit les moyens. Toujours insatiable, il songeait à reprendre les 5 villes de Galswind. Il réunit dans ce but une petite armée et la confia à Merovig. Celui-ci se dirigea vers la Loire, toujours songeant à Brunehilde. Arrivé à Tours, il prétexta de son désir de célébrer les fêtes de Saint-Martin pour séjourner dans cette ville. Il était descendu chez le comte Le Dast, qui lui avait fait le plus gracieux accueil. Il vit dans les richesses de son hôte les éléments de sa fortune personnelle, et tandis que ses soldats battaient les campagnes des environs pour y piller à son profit, il faisait main basse sur l'argent et les objets de prix du comte. Puis, cette razzia accomplie, il dit qu'il allait voir Audovaire, sa mère, alors religieuse, au Mans. Il partit, emportant ses rapines, et au lieu d'aller au Mans, prit la route de Rouen, par Chartres et par Évreux. C'était aimé à la folie. Brunehilde fut aussi surprise que touchée de cette preuve de passion. Elle se reprit à aimer, et son amour alla si vite qu'au bout de quelques jours, elle consentit à épouser son amant. Autre folie, plus grave encore que la première. Une telle union était interdite par l'Église. Merovig ne pouvait épouser la veuve de son oncle, et quel prêtre consentirait à bénir une semblable union? Merovig avait à Rouen son parrain, vieillard au cœur facile, à la tête faible, qui le considérait comme son fils. Ce parrain était l'évêque, Prætextatus. Il alla le trouver. Quelle mauvaise raison eut-il l'habileté de faire valoir? Comment parvint-il à persuader à ce vieillard une action contraire aux lois de l'Église et qu'il exposait à la colère d'Hilpéric? Nous l'ignorons et nous serions fort en peine de l'imaginer. Prætextatus se laissa entraîner et cela devait lui coûter la vie. Hilpéric était alors à Paris. Jugez de sa fureur en recevant presque en même temps la nouvelle de l'abandon de son armée à Tours et du mariage de son fils aîné avec la veuve de son frère. Il part pour Rouen, décidé aux châtiments les plus cruels. Les coupables n'auront même pas le temps de chercher leur salut dans la fuite. Sa colère va les atteindre comme la foudre. Il arrive à Rouen. Où sont-ils ? Alors on le mène à un endroit écarté de la cité, près des remparts, en face d'une petite église dédiée à Saint-Martin. Et on lui dit « Ils sont là ». Une fois encore, Saint-Martin se trouvait mêlé aux aventures de Mérovig. Et cette fois, c'était pour lui assurer un asile inviolable. Cette petite église, dit Augustin Thierry, était une basilique de bois, alors commune dans toute la Gaule, et dont la construction est lancée, les piliers formés de plusieurs troncs d'arbres liés ensemble, et les arcades nécessairement aiguës à cause de la difficulté de cintrer avec de pareils matériaux, ont fourni, selon toute apparence, le type originel du style à ogive, qui, plusieurs siècles après, fit invasion dans la grande architecture. Hilpéric pouvait bloquer les deux amants, il pouvait, dans une certaine mesure, les empêcher de recevoir des vivres, sans toutefois réussir complètement à intimider la charité ou l'amitié des pourvoyeurs. Il pouvait même pénétrer dans l'église, y parler à son fils et à Brunehilde, mais il ne pouvait les saisir et les entraîner de vive force. Ce roi féroce, dont la violence ne reculait devant aucun crime, ce fratricide, reculait devant la protection de Saint-Martin. En vain, il mit en œuvre toutes les ruses pour attirer les coupables hors de leur asile. Les promesses les plus séduisantes restèrent sans effet. Ils tinrent bon, et le roi en fut réduit à entrer en capitulation avec son fils et sa belle-fille. Ils exigèrent d'abord qu'il jurât sur des reliques, qu'il n'entreprendrait jamais rien pour les séparer. Hilpéric jura. Mais il usa d'une restriction qui prouve que les jésuites n'ont rien inventé. Il jura que si telle était la volonté de Dieu, il ne les séparerait point. Là, de leur captivité et à peu près rassurés, les deux époux sortirent de l'enceinte sacrée. Hilpéric, affectant une bonhomie paternelle, leur fit l'accueil le plus affectueux. Il les embrassa et même les invita à dîner. Tant de douceur aurait dû mettre Brunehilde et Mérovig sur leur garde. Au bout de deux ou trois jours, le roi leva enfin le masque. « Nous partons pour Soissons, » dit-il à Mérovig. « Vous, mon père ? Et vous aussi, mon fils ? Et Brunehilde ? Elle restera ici, sous bonne garde. Mais votre serment ? Je l'ai tenu, j'ai juré de ne pas vous séparer si telle était la volonté de Dieu. Or, Dieu ne peut souffrir une union impie, et Dieu ordonne au fils d'obéir à son père. » Il fallut bien obéir. À quelques lieues de Soissons, Mérovig pensa une fois encore échapper à la tyrannie paternelle. Des bandes austrasiennes assiégeaient la capitale. Frédégonde était en fuite avec Clodovig, son beau-fils, et son fils, encore en bas âge. Mais ces bandes, sans force importante et sans discipline, se dispersèrent à l'arrivée du roi Hilpéric, qui put se donner le plaisir d'une entrée triomphale. Frédégonde ne tarda point à le rejoindre. 6. La belle-mère. Oserais-je dire à mon roi toute ma pensée, sans craindre d'éveiller sa colère ? Parle, répondit Hilpéric. Je veux savoir pourquoi, depuis ton heureux retour à Soissons, tu conserves cet air préoccupé et sombre. Je me suis demandé, reprit Frédégonde, qui avait pu pousser ces Austrasiens à tenter de s'emparer par un coup de main de votre épouse et de vos enfants, au moment même où votre colère allait éclater contre Mérovig et Brunehilde. Et sur qui tes soupçons se sont-ils arrêtés ? Sur ceux qui avaient seul intérêt à cette entreprise. Une ombre passa sur le front d'Hilpéric, et ses yeux gris lancèrent des éclairs. « Mérovig ! » gronda-t-il entre ses dents. « Mérovig ! » reprit la belle-mère, « est dissimulé. Rappelez-vous comment il sut vous cacher sa passion pour Brunehilde. Pendant son séjour à Braine, il ne laissa rien paraître de son intention de la rejoindre. Mérovig appartient à cette femme habile, qui ne l'aime point, car on n'aime pas deux fois, mais qui voit dans sa passion l'instrument aveugle de la vengeance qu'elle poursuit. Elle, songeait encore à se venger ? Sigebert aurait-il été oublié si vite ? Oui, elle songe toujours à venger Sigebert, et l'instrument qu'elle a choisi est le fils ingrat et dissimulé que vous avez ramené de Rouen, ici, mais j'en ai trop dit, peut-être. Non, parle ! Je me suis toujours bien trouvé de ta perspicacité et de tes conseils. Oui, Mérovig m'a déjà trahi pour cette femme, et sa passion n'est pas éteinte, je le sais. Il est possible, comme tu le dis, qu'il soit l'instigateur de ce coup de main tenté contre Soissons. Mais que peut-il méditer encore ? Il ne lui reste plus, répondit Frédégonde, qu'un attentat à commettre. Ces paroles, dont il devina le sens sinistre, Lupéric bondit, saisi d'horreur. Un tel crime ? Prenez garde, mon cher seigneur. Frédégonde ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait, mais elle, ce modèle des marâtres, était décidée à profiter des folies de Mérovig pour achever de le perdre. Déjà, elle avait appris avec joie la mort de Théodébert, le premier fils d'Odovaire. Deux enfants de cette reine restaient encore et éloignaient les siens du trône. Elle avait résolu leur mort. Mérovig semblait s'offrir à ses coups. Grâce aux manœuvres adroites, aux propos perfides de Frédégonde, les soupçons du roi se changèrent bientôt en une terreur panique. Il crut sa vie en péril. On ne saurait imaginer une situation plus tragique. Le père évitait le fils, ou, s'il le rencontrait, croyait dans son regard assombri par les chagrins, surprendre la pensée d'un crime. Il n'osait plus l'emmener dans ses chasses, et la nuit, au moindre bruit suspect, au bruit d'un garde qui heurtait le mur de sa lance, il s'éveillait, frissonnant de terreur. Frédégonde feignait de partager la peur qu'elle lui inspirait. Un jour, surprenant Mérovig dans l'attitude de la méditation, « Que complotes-tu contre moi ? » lui dit-il. « Il est temps que je m'assure contre tes desseins impies. » Et sans vouloir entendre la justification de son fils, il le fit arrêter et jeter dans une prison où il était gardé à vue. Sur ces entrefaites arrivèrent des envoyés de Sigebert II. Ils venaient désavouer l'entreprise formée contre Soissons et protester des sentiments pacifiques des grands seigneurs d'Austrasie. Lupéric leur fit le meilleur accueil. Encouragés par sa bienveillance, ils lui demandèrent de rendre à leur jeune roi sa mère et ses sœurs. Lupéric, pour qui Brunehilde était une cause d'embarras et de crainte, s'empressa d'accéder à leurs vœux. Cet acte de prudence surprit tellement la reine prisonnière qu'elle trembla de le voir suivi d'un contre-ordre et s'empressa de quitter Rouen. Sa précipitation fut telle qu'elle abandonna la plus grande partie de ses bagages, plusieurs milliers de pièces d'or et plusieurs pièces d'étoffe de prix, qu'elle confia à l'évêque, prétexte à tous. Elle gagna Meaux, évita Soissons et rentra à Metz. Cependant, Frédégonde pressait la condamnation de Mérovig. Celui-ci, privé de ses armes et de son baudrier militaire, ce qui était une sorte de dégradation civique, continua à être gardé à vue en attendant qu'il comparût devant le tribunal domestique. L'armée qu'il avait abandonnée était reformée et le commandement en était donné à son frère, Clodovig, qui partait pour Poitiers. Arrivé dans cette ville, ce dernier vit venir à lui un seigneur du Midi, Desiderius, qui disposait de forces considérables. Il s'entendit avec ce chef et lui céda le commandement général. Nous ne pouvons entrer dans de longs détails au sujet des événements militaires qui suivirent, et cependant nous ne pouvons les passer entièrement sous silence. Disons donc que ce Desiderius, ayant voulu profiter de ses forces pour se tailler un royaume dans les états des rois francs, eut affaire à plus fort que lui dans le général que Gontram envoya à sa rencontre. Il fut défait complètement par Mummolus, qui tailla son armée en pièces. Tandis que le second fils d'Hilpéric revenait de cette guerre désastreuse, son aîné Mérovig était destiné à perdre la chevelure. La chevelure était un attribut de la famille des Mérovig, un symbole de son droit héréditaire que les ciseaux ne devaient jamais toucher. Les descendants des vieux Mérovig se distinguaient par là de tous les Francs. Les autres portaient les cheveux longs, mais seulement jusque sur les épaules, et se distinguaient ainsi des Romains dont les cheveux étaient coupés ras. Mérovig fut non seulement tondu, mais tonsuré. Déchu de ses droits à la couronne, il n'était plus bon que pour le cloître. Quelques heures après cette exécution, il quitta la cour de son père et se dirigea vers la Loire. Ce pays l'attirait. Il eût pu, semble-t-il, donner la préférence au bord de la Moselle, où vivait Brunehilde, ou à ceux de la Saône, où régnait son oncle, Gontram. Mais il était écrit que Saint-Martin serait mêlé à toutes les phases de son existence. Il arriva à Tours, un dimanche, et se dirigea, seul, incognito, vers l'église de Saint-Martin, où en ce moment l'évêque disait la messe. Il s'arrêta à l'entrée, non loin du portail. Le diacre distribuait le pain béni, les eulogies. À la vue de cet homme qui se tenait debout à l'écart, la tête couverte d'une fourrure, il hésita et passa sans rien offrir. La colère bouleversa alors l'esprit de ce pauvre Mérovig qui, à grands pas, traversa l'église et fut se placer en face de l'évêque. « Pourquoi, lui demanda-t-il, me refuse-t-on les eulogies? Suis-je excommunié ?» L'évêque le reconnut et en même temps s'aperçut que le fils d'Hilpéric n'avait plus sa longue chevelure. Sans doute ce chrétien ne méritait plus d'être accueilli dans une assemblée de fidèles, après avoir profané à Rouen le sacrement du mariage. Mais d'autre part, l'évêque redoutait une scène scandaleuse. « Mon fils, répondit-il, je vais prendre l'avis de mon conseil à ce sujet. » Il feignit de délibérer et autorisa le diacre à donner le pain béni à ce jeune barbare. Ce fut la dernière incartade de celui-ci. Peu de temps après, son père survint, décidé à en finir avec lui. Saint-Martin, cette fois, resta neutre entre le père et le fils. Celui qui avait déjà fait étrangler sa femme et poignarder son frère pouvait bien faire périr son fils. C'est ce qu'il fit. Mérovig, réfugié dans une maison de bois, y fut brûlé vif. Ce n'est donc point par exagération que l'on a surnommé Hilpéric le Néron de la France. Cet homme était vicieux, méchant et fou. L'incontinence, en affaiblissant ses facultés, l'avait rendu le jouet de Frédégonde. Tout se paie en ce monde. Les lois physiques comme les lois morales, par un enchaînement inexorable, aboutissent à une suprême justice. Le vice et le crime portent en eux leur châtiment. L'heure du dernier châtiment d'Hilpéric avait sonné. 7. Landry. Comme son père Clotaire, Hilpéric était un chasseur passionné. Il n'était plus jeune et ne passait pas un seul jour d'hiver ou d'automne sans se livrer à cet exercice où il était plus heureux qu'à la guerre, sans y courir les mêmes dangers. Frédégonde, elle, plus jeune que son mari, toujours belle et plus libre qu'elle ne l'avait jamais été, s'abandonnait aussi à sa passion dominante et mettait à profit les fréquentes et longues absences du roi, son seigneur. Un matin, Hilpéric allait partir pour la chasse et sa femme attendait son favori, un beau garçon dont les formes herculéennes avaient séduit la reine dont les amours n'avaient rien de platonique. Déjà l'on entendait se perdre dans l'éloignement le bruit de la meute et les fanfares des trompes de chasse, quand des pas rapides firent craquer les marches de l'escalier dérobé qui conduisait à la chambre de la reine. Frédégonde courut à la porte secrète et s'empressa de l'ouvrir. Mais, n'entendant plus de bruit, « Est-ce toi ? » demanda-t-elle. « Que crains-tu ? Je suis seule. » Celui qui montait reprit sa marche, fortuitement interrompue, et apparut bientôt sur le seuil de la chambre. Mais ce n'était pas Landry, c'était Hilpéric. Il ne dit rien, prit un objet qu'il avait oublié et se retira d'un air sombre. Frédégonde, de son côté, avait été suffoquée par la surprise à l'apparition de son mari et n'avait pas eu la force de proférer une parole. Quand il se fut éloigné, elle comprit qu'il était trop tard pour essayer d'un mensonge et qu'elle était perdue. Il ne fallait pas attendre son retour de la chasse. Elle courut trouver son amant et l'instruisit de cette funeste aventure. « Notre mort est certaine, » ajouta-t-elle. « Devons-nous nous résigner au supplice qui nous attend dans quelques heures ou prévenir notre ennemi et le frapper ?» Poser ainsi la question, c'était la résoudre. Frédégonde n'eut pas besoin de paroles plus éloquentes pour convaincre son favori. « Je pars, » dit brusquement celui-ci. « Notre sort dépend de la promptitude de nos résolutions. Où vas-tu ? Dans la forêt. Seul ? Je ne connais personne d'assez audacieux pour m'accompagner. Et d'ailleurs, je ne veux pas d'un tiers dans notre secret. Le rendez-vous de la chasse, le bois, les habitudes d'Hilpéric me sont connues. Je vais le suivre sous bois, comme le loup suit le voyageur en temps de neige. Je le surprendrai. Attends-moi, ne l'attends plus. » Sur ces paroles, Landry partit pour la forêt. Telle est, à quelques mots près, la version que nous donne de cet événement l'auteur des « Actions des Francs » Gesta Francorum. Tout se passa comme Landry l'avait promis à sa maîtresse. Le roi, en se retirant du palais, s'en était allé lentement, rêvant à la révélation qu'il venait de surprendre, oubliant la chasse. Quoi ? Cette femme, à qui il avait tout sacrifié, pour laquelle il avait répudié Audovaire et assassiné Galsvinde, cette femme en qui il avait une confiance illimitée, cette femme le trompait. Il se demandait à quelle époque devait remonter la trahison, et se rappelait les jours perdus à Rouen, à la porte de la petite église de Saint-Martin. Pour trouver le nom de son complice, il n'avait qu'à chercher parmi les hommes qui avaient accompagné Frédégonde dans sa fuite de Soissons. Et du nombre de ceux-ci, il devait écarter ceux qui, par leur âge ou leur origine, devaient déplaire à sa femme. Celle-ci n'aimait que les guerriers jeunes et de la race franque. Il n'eut plus ainsi à choisir que dans un petit nombre, et bientôt ses doutes furent fixés, lorsqu'il se rappela que l'un de ces derniers ne prenait point part à la chasse. « Ah » gronda-t-il entre ses dents, « je le tiens, c'est Landry !» Tout en songeant ainsi, il était entré dans le bois, dont il suivait au pas un chemin étroit et sombre. Il était tellement absorbé dans ses pensées qu'il se laissait guider par son cheval et ne s'apercevait point que, par moments, celui-ci couchait ses oreilles et soufflait de terreur. Tout à coup, le cheval broncha. Ilpéric releva la tête. Un homme s'élançait du fourré sur le chemin. « Lui, c'est lui !» s'écria le roi en reconnaissant son rival et en cherchant son épée. Mais Landry ne lui laissa point le temps de se défendre et d'un coup de framée l'étendit à ses pieds. Il lui avait fendu le crâne. Il jeta un dernier regard à sa victime pour s'assurer qu'elle ne respirait plus et se rejeta dans le fourré pour regagner le palais de Braine. Frédégonde avait eu confiance en lui et l'attendait. Ce jour-là, les chasseurs rentrèrent tard au palais. Le hasard les avait conduits sur le chemin où gisait Ilpéric. Et comme ils ignoraient la scène du matin chez la reine, ils se perdirent en conjectures au sujet de cet assassinat. Naturellement, à la vue du corps de son mari, Frédégonde joua l'étonnement et la plus violente douleur. Et dès que la parole succéda chez elle aux cris, aux sanglots, ce fut pour une calomnie nouvelle. « Ah, Brunehilde ! » s'écria-t-elle, « c'est toi qui l'as fait tuer !» Cette opinion fut généralement partagée, et le chroniqueur Frédéguer, qui semble avoir pris à tâche de diffamer Brunehilde, ne manqua pas de la soutenir. Grégoire de Tours n'est point de cet avis, et l'impartialité de ce dernier est moins douteuse. Cependant, bien qu'elle ne fût pas soupçonnée, Frédégonde, après les funérailles d'Ilpéric, ne se crut pas en sûreté à Soissons. Selon l'usage, elle commença par faire main basse sur le trésor royal et se réfugia à Paris dans l'enceinte d'un monastère. La mort d'un roi était alors le signal d'une prise d'armes générale. On avait ou une vengeance à exercer ou les dépouilles du mort à se partager. Sigebert II fut le premier sous les armes. Il marcha sur Paris. Frédégonde écrivit alors une lettre touchante au roi Gontram, le conciliateur, le Nestor de la famille. Le sage Gontram savait fort bien que sa belle-sœur était une coquine. Mais il n'aimait point la guerre et, sans ambition d'agrandir son royaume, il se voyait avec peine à la veille de se battre avec son jeune neveu pour le partage du royaume d'Ilpéric. Il intervint donc, une fois encore, en faveur de la paix, prit Frédégonde et son fils sous sa protection et obligea Childebert à s'éloigner. Sur son conseil, les Francs neustriens nommèrent Frédégonde régente. 8. Frédégonde régente. Frédégonde, dit la chronique, gouverna avec sagesse, mais elle nous énumère encore de nouveaux assassinats. Cette femme, plus sanglante que galante, s'entourait d'assassins et régnait par le meurtre. Après Mérovig, elle fit périr le dernier fils d'Ilpéric et d'Odover, et après la mort de son mari, elle fit étrangler cet infortuné qui se croyait oublié dans un monastère du Mans. Cette sanglante besogne accomplie, elle se retourna contre Sigebert et sa mère, qui elle aussi n'oubliait point. La haine chez ces deux femmes était une passion invétérée et leur longue rivalité est un des drames les plus curieux de notre histoire. L'opposition des caractères, de la race et des mœurs ajoute à l'intérêt de cet étrange duel. Frédégonde et Brunehilde représentent deux civilisations différentes et Voltaire s'est trompé en disant que leur histoire n'avait pas plus d'intérêt que celle des loups et des ours. Si les Francs, vêtus de la dépouille de ces animaux, semblaient dans leurs mœurs rivaliser avec eux de sauvagerie, les Austrasiens et les Burgondes sont moins barbares, et il est intéressant de voir leur férocité native se fondre peu à peu au contact de la civilisation gallo-romaine. Ils lui résistent tout en l'admirant. Ils finissent par s'allier à la race vaincue. Les filles du roi Gaud de Tolède représentent une civilisation plus avancée et nous sont plus sympathiques. Et bien des siècles s'écouleront après elles avant que l'on rencontre des reines plus dignes de la couronne que Galswinde et Brunehilde. Si cette dernière eut ses jours de faiblesse et de galanterie, du moins elle n'embrassait pas de ces caresses de fanatisme des malheureux destinés au meurtre. Frédégonde fanatisait ses amants, et souvent ses faveurs furent la récompense du crime. Après Landry, nous voyons d'autres jeunes gens subir la fascination de cette vipère et s'armer pour de nouveaux meurtres. Tandis qu'on la croyait tout entière occupée à son gouvernement, elle enivrait de son amour, comme d'un filtre, deux jeunes garçons de sa garde. Elle exaltait leur ambition et leur promettait les plus hautes dignités s'ils parvenaient à assassiner Sigebert II. Après le père, le fils. Les deux jeunes gens partirent sous un déguisement pour le royaume d'Austrasie. Ils voyageaient à pied et sans bagages, couchant dans les monastères, et se disant de pauvres clercs scandalisés par les désordres de la cour de Soissons. Ils arrivèrent ainsi à Metz, où ils se dissimulèrent sous les dehors les plus modestes. Ne pouvant essayer de pénétrer dans le palais sans exciter les soupçons, ils attendirent un dimanche et se placèrent sous le portail de l'église cathédrale parmi les malheureux auxquels le roi, en entrant, distribuait quelques aumônes. Leur haillon cachait ces couteaux empoisonnés que nous avons déjà vus à l'œuvre. Le roi, suivi de sa mère et d'un nombreux cortège, s'avança sous le portail. Les misérables, à genoux, tendaient vers lui leurs mains suppliantes. Soudain, les deux assassins se levèrent et tirèrent leurs couteaux. Mais, embarrassés dans la cohue, ils ne purent s'élancer à temps. Pris les armes à la main et entraînés loin de l'église, ils durent à la sainteté du jour de ne pas être massacrés sur l'heure. On les interrogea. Ils avouèrent leur projet criminel et dénoncèrent Frédégonde. Ils furent condamnés à être coupés par morceaux. Cet insuccès ne découragea point Frédégonde. Elle perfectionna ses armes et choisit de nouveaux assassins. Elle fit fabriquer, d'après ses indications, des poignards d'une nouvelle espèce. C'étaient de longs couteaux à gaines, semblables par la forme à ceux que portaient les guerriers francs à leur ceinture, mais dont la lame, ciselée dans toute sa longueur, était couverte de figures en creux. Ces ciselures n'étaient pas un vain ornement. Elles étaient destinées à retenir du poison. Cette femme ingénieuse avait encore composé une boisson capable d'exalter l'esprit en flattant le goût, et à laquelle elle laissait supposer une vertu magique. Elle en remettait une fiole à ses assassins. « Quand le jour sera venu, leur disait-elle, d'exécuter mes ordres, je veux que vous buviez un coup de cette liqueur pour être fermes et dispos. » C'est dans ces conditions qu'elle envoya à Metz un malheureux chargé d'assassiner Brunehilde. Celui-ci parvint à s'introduire auprès de la reine. Il entra même à son service, mais il excita bientôt les soupçons. On le mit à la torture et il avoua la mission dont il était chargé. On le renvoya à Soissons en lui disant « Retourne à ta patronne ». Frédégonde vit dans cette action une injure, un défi. Elle s'en vengea sur son malheureux émissaire en lui faisant couper les pieds et les mains. Cela se passait vers 585. L'année suivante, s'ennuyant à la campagne, elle partit pour Rouen. Elle devait y procéder à une nouvelle série de crimes. 9. Dernière série de crimes. À Rouen, elle retrouva l'évêque Prætextatus. On se souvient que, par un de Mérovig et par une sorte de faiblesse paternelle pour ce jeune homme, il avait consenti à le marier. Quelque temps après, ce que nous avons omis de raconter, Hilpéric en avait tiré vengeance en le faisant déposer de son siège épiscopal et en l'exilant. Prætextatus s'était retiré à Jersey et 7 ans après, le roi étant mort, était revenu à Rouen. Le siège épiscopal était occupé par Mélantius, courtisan de Frédégonde. En ce moment, la reine tremblait, menacée par Sigebert II. Mélantius se retira devant son prédécesseur. Lorsque Frédégonde revint à Rouen, en 586, Prætextatus n'usa à son égard d'aucune flatterie. Il conserva vis-à-vis d'elle une attitude sévère. Un jour, en sortant de la cathédrale et en passant près de l'évêque, la reine dit assez haut pour se faire entendre de ce dernier « Cet homme devrait savoir que le temps peut revenir pour lui, de reprendre le chemin de l'exil. » Prætextatus s'arrêta et se tournant vers Frédégonde, « Dans l'exil, lui dit-il, comme hors de l'exil. Je n'ai point cessé d'être évêque, je le suis et le serai toujours. Mais toi, peux-tu dire que tu jouiras toujours de la puissance royale? Du fond de mon exil, si j'y retourne, Dieu m'appellera au royaume du ciel. Et toi, de ton royaume en ce monde, tu seras précipité en enfer. Il est temps désormais de laisser là tes folies et tes méchancetés, de renoncer à cette jactance qui te gonfle sans cesse, et de suivre une meilleure route, afin que tu puisses mériter la vie éternelle et conduire à l'âge d'homme l'enfant que tu as mis au monde. » Frédégonde ne répliqua rien. Elle se retira dans son palais pour y dévorer l'injure et préparer la vengeance. Elle appela à elle Mélanthios. « Tu seras évêque de Rouen, lui dit-elle, mais il faut que cet insolent périsse. » Mélanthios approuva les desseins sinistres de la reine, mais chercha un complice. Le clergé de Rouen comptait un grand nombre de ces créatures dont, à son insu, Prétextatus était détesté. Il admit l'archidiacre dans son complot. Tous trois discutèrent les moyens d'exécution. Il fut décidé qu'on chercherait, parmi les serfs attachés au domaine ecclésiastique de Rouen, un homme capable de se laisser séduire par la promesse d'être affranchi avec sa femme et ses enfants. Ce serf fut facile à trouver. Appelé en présence de Frédégonde et des deux prêtres, il reçut, comme encouragement, 100 sous d'or de la reine, 50 de Mélanthios et 50 de l'archidiacre. Le crime fut fixé au dimanche suivant, 24 février. Ce jour-là, Prétextatus se rendit comme de coutume à la cathédrale pour l'office du matin. Il alla occuper un siège isolé près du maître-autel, tandis que son clergé occupait les stalles. Il entonna le premier verset et, pendant que les chantres le reprenaient en chœur, il s'agenouilla au prie-dieu placé devant son siège. Alors, profitant de son recueillement, l'assassin se glissa par derrière et le frappa d'un coup de couteau sous l'aisselle. Prétextatus poussa un cri de douleur, mais son clergé, stupéfait ou malveillant, laissa à l'assassin le temps de fuir. L'évêque se leva et, appuyant les deux mains contre sa blessure, se traîna jusqu'au maître-autel. Là, tendant ses mains ensanglantées vers le vase d'or, suspendu par des chaînes, où l'on met une hostie consacrée destinée à la communion des mourants, il prit une parcelle du pain eucharistique et communia, puis, remerciant Dieu, tomba privé de connaissance. Des prêtres le relevèrent et le transportèrent chez lui. À la nouvelle de cet événement, la reine se rendit en hâte à l'évêché pour y jouir de l'agonie de sa victime. Prétextatus gisait sur son lit. Le poison du couteau achevait son œuvre. La reine, dissimulant sa joie, dit à l'évêque avec le ton de la sympathie « Il est triste pour nous, ô Saint-Évêque, aussi bien que pour le reste de ton peuple, qu'un pareil mal soit arrivé à ta personne vénérable. Plût à Dieu qu'on nous indiquât celui qui a osé commettre cette horrible action, afin qu'il fût puni d'un supplice proportionné à son crime. » À ces paroles, le vieillard, dont les soupçons étaient confirmés par cette visite même, se souleva sur son lit de douleur et, fixant sur Frédégonde des regards indignés, « Et qui a frappé ce coup » dit-il, « si ce n'est la main qui a tué des rois, qui a si souvent répandu le sang innocent et fait tant de maux dans les royaumes ?» Frédégonde, impassible, et comme si elle n'eût point compris, reprit du même ton affectueux, « Il y a près de nous de très habiles médecins qui sont capables de guérir ta blessure. Permets qu'ils viennent te visiter. » C'en était trop. « Je sens, répliqua le moribond, que Dieu veut me rappeler à lui. Mais toi qui t'es rencontré pour concevoir et diriger l'attentat qui m'ôte la vie, tu seras dans tous les siècles un objet d'exécration, et la justice divine vengera mon sang sur ta tête. » Frédégonde, toujours impassible, se retira sans répliquer. L'évêque, épuisé par ses paroles véhémentes, expira un moment après. Le crime de la reine n'était un mystère pour personne. L'indignation fut générale. Prétextatus était aimé et vénéré dans le peuple, et même dans la noblesse franque. Les gallo-romains ne pouvaient rien en dehors de leurs affaires municipales. Mais les seigneurs francs avaient, par un antique privilège, le droit de parler haut à qui ils voulaient, et leur justice pouvait atteindre les coupables jusque sur le trône. Un d'entre eux, un homme de cœur et doué selon l'expression de l'historien Thierry de cette sincérité courageuse que les conquérants de la Gaule regardaient comme la vertu de leur race, opinion qui, devenue populaire, donna naissance à un mot nouveau, celui de « franchise », entreprit d'atteindre la coupable. Il réunit ses amis et leur proposa de porter avec lui, à Frédégonde, l'annonce d'une citation judiciaire. Cette proposition fut acceptée. Ils partirent pour Rouen. Arrivés au palais, un seul d'entre eux fut admis en présence de la reine. C'était l'auteur de la proposition. Ses amis demeurèrent dans le vestibule. Interrogé par Frédégonde, le seigneur lui répondit, avec sa rude franchise, « Tu as commis dans ta vie, ô reine, bien des forfaits, mais le plus énorme de tous est celui que tu viens de faire en ordonnant le meurtre d'un prêtre de Dieu. Dieu veuille se déclarer bientôt le vengeur du sang innocent. Mais nous tous, en attendant, nous rechercherons le crime et nous punirons le coupable, afin qu'il te devienne impossible d'exercer de pareilles cruautés. » Sur ces mots, il sortit, laissant la reine en proie à un trouble et à une colère, faciles à concevoir. Mais, avant qu'il eût rejoint ses amis, elle avait recouvré sa présence d'esprit. Elle envoie un de ses serviteurs l'inviter à dîner. Il refuse. Le serviteur revient et le prie, ainsi que ses amis, de ne pas faire injure à la reine en refusant de rien prendre et d'accepter, selon l'usage, quelques rafraîchissements. Les seigneurs se consultèrent et voulurent bien se conformer à l'usage. Ils allaient monter à cheval, ils rentrèrent sous le portique du palais. Des serviteurs leur offrirent des coupes de vin au miel et à l'absinthe. Celui qui avait pris la parole fut servi le premier. Il but sans méfiance. Mais aussitôt, il fut saisi de douleurs atroces. « Ne touchez pas à ces coupes » s'écria-t-il. « Sauvez-vous, malheureux, sauvez-vous pour ne pas périr avec moi !» Ses cris, son visage décomposé par la douleur, épouvantèrent ses amis. À l'idée de poison se mêlait chez eux celle de sortilège et de maléfice. Ils se précipitèrent vers leurs chevaux et prirent la fuite, saisis d'une terreur superstitieuse. Le malheureux empoisonné parvint aussi à rejoindre son cheval et à se hisser dessus, et le cheval, suivant les autres, partit au galop, mais il emportait un mourant qui tomba bientôt sur la route. Ces braves seigneurs n'osèrent plus rien entreprendre contre le démon qu'ils avaient pour reine. Cependant, le successeur de Prétextatus, l'évêque Landoswald, homme d'une piété sincère et d'un grand courage, fit fermer les églises en signe de deuil public et commença une enquête sur le meurtre de son prédécesseur. Sur son ordre, l'enquête fut publique et plusieurs individus arrêtés furent mis à la question. L'agitation devint extrême et Frédégonde, inquiète des conséquences de l'enquête et de l'émotion populaire, eut encore recours à son moyen favori. Elle paya de nouveaux assassins. Landoswald n'osa bientôt plus sortir de son palais épiscopal et fut réduit à se faire garder nuit et jour par ses clercs les plus dévoués. Ainsi menacé, entravé dans ses démarches, devenu prisonnier dans son palais, il dut renoncer à son dessein et abandonner les poursuites commencées. D'ailleurs, Frédégonde avait eu soin de soustraire l'assassin aux recherches. Mais l'affaire ne devait pas en rester là. Après les seigneurs francs, voilà le roi Guntram qui secoue sa lourde tête indolente et s'émeut du double crime, du meurtre et du sacrilège commis par sa belle-sœur. Il s'indigne, tout comme un honnête homme, et envoie à Rouen une ambassade avec mission de rechercher le coupable et de le citer à son tribunal. Ses envoyés déclarent en effet à Frédégonde « Sachez que si le coupable n'est pas découvert et amené au grand jour, notre roi viendra avec son armée ravager le pays par le glaive et le feu, car il est manifeste que celle qui a fait mourir le franc par des maléfices est la même que celle qui a tué l'évêque par l'épée. » Le pauvre peuple se trouve ainsi menacé du glaive et de l'incendie pour les crimes de sa reine. On extermine le peuple pour punir le souverain, comme on fouetta plus tard de jeunes enfants pour punir le dauphin de ses fautes. Frédégonde ne s'émut pas beaucoup de la colère du roi Guntram, et nous en avons la preuve dans le rétablissement de Mélantius sur le siège épiscopal de Rouen. Oui, elle donna l'assassin pour successeur à la victime, et sans rencontrer d'autre opposition que la protestation impuissante du populaire. Les évêques intronisèrent l'assassin en l'appelant frère. Le peuple décora Prétextus du titre de martyr. Cependant, il fallait enterrer l'affaire. Frédégonde, qui jusque-là avait caché le misérable cerf qu'elle avait poussé au crime, le tira de sa cachette et le fit conduire tout ahuri en sa présence. Puis elle apostropha avec son impudence ordinaire. « C'est donc toi, lui dit-elle, toi qui as poignardé Prétextatus, l'évêque de Rouen, et qui es cause des calomnies répandues contre moi. Qu'on le batte de verge !» On saisit le misérable et, après l'avoir bâtonné, on le livra tout sanglant à la justice des parents de l'évêque. Le neveu de Prétextatus fit mettre le coupable à la torture, et ce dernier, sans se faire attendre, déclara presque aussitôt ce que nous avons raconté plus haut, accusant la reine, Mélantius et l'archidiacre. De la première, il avait reçu 100 sous d'or, 50 sous d'or de l'évêque et 50 de l'autre prêtre. Mais ses aveux ne le sauvèrent pas. et le neveu du mort le tua à coups d'épée sans se douter qu'il servait pour le mieux la vraie coupable. Que pouvait dire Gontram après cela? Il renonça à son enquête. Mais Frédégonde, irrité de son intervention, arma contre lui ses émissaires. À partir de cette époque, la vie du roi de Bourgogne fut constamment en danger. Un jour, comme il allait faire sa prière, le bon roi se voit abordé par un inconnu. Il le regarde fixement, l'inconnu se trouble et laisse tomber un poignard. Interrogé, il avoue être envoyé par Frédégonde pour assassiner le roi. Peu de temps après, deux autres individus sont arrêtés, à peu près dans les mêmes circonstances. Gontram passe de l'indignation à la terreur. « Il faut en finir avec cette femme, » se dit-il. Il s'entend avec Sigebert II, une guerre d'extermination est résolue et bientôt après déclarée. Frédégonde réunit toutes ses forces. Deux batailles sanglantes sont livrées. Les coalisés sont vaincus. Âme de Saint Prétexta, que pensas-tu de cette nouvelle victoire ? 10. Comment ont fini Frédégonde et Brunehilde ? Victorieuse et plus puissante que jamais, l'ancienne servante de la reine Audovaire acheva paisiblement son règne jusqu'à l'âge de 55 ans. Ce fléau s'éteignit en 597. Elle fut enterrée à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. « Il y a dans le cœur de cette église, dit le père Daniel, un tombeau sur lequel on voit la figure d'une reine en mosaïque. On prétend que c'est la figure de Frédégonde, et l'inscription le dit. Il y a beaucoup d'apparence que cette figure est originale et que ce n'est pas un ouvrage fait plusieurs siècles après la mort de la princesse qu'elle représente, comme le sont les tombeaux de Sigebert et d'Ilpéric qu'on voit dans la même église. Cette pierre tombale n'existe plus à Saint-Germain-des-Prés. Elle a été transférée pendant la Révolution au musée des monuments, aujourd'hui école des beaux-arts. Brunehilde eut une fin moins heureuse. Et chose aussi triste qu'étrange, cette femme, dont la jeunesse avait été si belle, ne mérita point d'être pleurée. Sa vieillesse se souilla de débauches et de crimes. Elle, qui avait montré tant de courage et de générosité, qui avait fondé des hôpitaux, réparé des voies romaines dont les ruines portent encore son nom, devint une femme dissolue et sanguinaire. Elle imita Frédégonde, qui avait été pour elle un objet d'horreur. Ce n'est pas le moins étrange de cette histoire. Enfin, elle tomba entre les mains du fils de son ancien ennemi, Clotaire II. Celui-ci, comme s'il eût hérité de toute la haine et de toute la férocité de sa mère, la fit périr dans les supplices les plus atroces. Pendant trois jours, il livra aux outrages de ses soldats, aux caprices cruels de ses bourreaux, cette femme de 73 ans, fille, sœur, mère et bisaïeule de tant de rois. Pour les rois, la majesté royale n'avait rien de sacré. Enfin, il la fit attacher à la queue d'un cheval indompté. Les lambeaux de son corps furent brûlés et leurs cendres jetées au vent. Cette vengeance de Clotaire fut applaudie par tous les grands seigneurs francs qui n'avaient pas cessé de voir dans Brunehilde une femme de race étrangère et qui la détestaient pour avoir voulu gouverner sans eux et leur avoir imposé les lois et les coutumes romaines. Brunehilde, a dit Bossuet, livrée à Clotaire II, fut immolée à l'ambition de ce prince. Sa mémoire fut déchirée et sa vertu, tant louée par le pape, Saint Grégoire, à peine encore à se défendre. Son tombeau, élevé en 614 dans l'abbaye Saint-Martin d'Autun, fut ouvert en 632. On y trouva des cendres, quelques ossements, du charbon et une molette d'éperon.